La volonté de s'enrichir, enregistrement produit lors du mois de juillet de l'année 2025. En fait, depuis plusieurs mois, j'ai fait de nombreux enregistrements en lien avec l'étude de la bourse, des crypto-monnaies. Naturellement, je constate que ça intéresse peu de personnes de mon auditoire, puis les gens vont plus préférer là, si je reçois des invités comme par exemple Mona ou Berthold. Et c'est correct, ça correspond au goût des gens. Ce que je constate, que ce soit par rapport au web ou également des gens que je connais personnellement ou des membres de ma famille, des amis, c'est que très peu de personnes, en fait, qui ont une volonté réelle de s'enrichir. Puis ça appartient à chacun, là. Moi, ici, dans l'enregistrement, je vous parle parce que en fait, j'ai eu un choc de vie en 2023 où j'ai eu une opération d'urgence à l'urètre parce que, dans le fond, j'étais atteint d'un lichen sclérotrophique qui a fait que, progressivement, l'urètre, le bout de mon pénis, est en train de boucher. Puis, éventuellement, ben, si ça bouchait totalement, ben là, je ne serais plus capable d'uriner. Et il a fallu que j'aille au privé. Donc, j'ai été opéré. Ça m'a coûté environ 2 000 $. Et puis cette expérience-là m'a créé un choc pour me faire réaliser l'importance, à quel point c'est important d'avoir d'économies, d'avoir de l'argent, avoir un fonds d'urgence aussi pour faire face aux imprévus et aussi de m'enrichir. Donc ça a été un choc qui m'a amené dans une dynamique à m'intéresser beaucoup plus à l'argent, à la bourse, aux différents produits d'investissement qui existent, même au domaine de la crypto. Avant l'année 2023, bon, j'avais déjà entendu parler sur le web qu'il existait des crypto-monnaies, mais je ne m'étais pas intéressé sérieusement. Ça a été un choc de vie qui m'a amené à avoir une volonté ferme de m'enrichir depuis ce temps-là. Pourquoi? Ben, je pars du principe que présentement, où est-ce que je vis au Québec, au Canada, le réseau de la santé est défaillant depuis plusieurs années. La situation est décriée dans les médias. Problème d'accès à des médecins spécialistes. En passant, dans le fond, j'avais rencontré mon médecin de famille qui avait demandé une référence par rapport à mon problème d'urètre pour que je puisse rencontrer un urologue dans le réseau public. Au moment où je vous parle, on est en juillet 2025. Ça, c'était au mois d'août 2023. Donc, ça fait presque 2 ans. Et naturellement, je n'ai jamais été recontacté par la suite. Donc, une chance que j'attendais pas après eux. La situation que j'ai vécue était très anxiogène parce que, au fil des semaines, le jet d'urine quand que je vais aux toilettes diminuait avant que je sois opéré. Là, à un moment donné, je me suis dit, il faut que l'urine continue à passer parce que sans ça, je vais être vraiment dans le pétrin. J'ai pu être opéré avant que l'urètre ait bouché complètement. J'ai été au privé, j'ai été bien traité, c'est correct, mais c'est parce que ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit, à différence du réseau public. Le réseau public, en passant, il n'est pas gratuit. C'est les gens qui payent des taxes et des impôts au Québec et au Canada qui vont le financer. C'est gouvernemental, mais le point, cet événement-là, entre autres, m'a amené à réaliser l'importance de parvenir éventuellement à m'enrichir. Puis à m'étudier, à m'amener à étudier entre autres l'autonomie financière, puis comment y arriver. Pour pallier aux failles du système, là ici je parle du domaine de la santé, mais le Québec, en fait, beaucoup de choses qui sont gouvernementales présentent des failles. Ce que je veux dire, c'est que la volonté d'être riche, habituellement, ça apparaît pas par hasard. Il peut y avoir des raisons de programmation familiale, il peut y avoir des raisons de programmation culturelle. Donc, être riche aux États-Unis, c'est valorisé. Tandis qu'au Québec, quelqu'un qui est riche peut être vu d'une manière suspecte parce que, à cause de la religion catholique, nos antécédents religieux, bien que les gens ne soient plus pratiquants ici essentiellement, donc les gens vont plus nécessairement à messe tous les dimanches, mais toutes les personnes qui ont été colonisé psychiquement par le catholicisme, puis de l'idée que d'être riche, c'est pas beau, puis qu'il faut faire vœu de pauvreté, puis le royaume des cieux appartient à ceux qui, dans le fond, ne seront pas encombrés de richesses, puis ce genre de choses-là, ben c'est ça que ça crée une société où la richesse n'est pas aussi bien vue qu'aux États-Unis, puis la réussite sociale, c'est vraiment pas la même mentalité. Ça paraît aussi dans la gestion gouvernementale. Donc, mais ça, c'est la dimension culturelle. Mais la dimension personnelle qui m'intéresse, c'est les chocs de vie. Sinon, lors de l'année passée, en 2024, j'en ai pas parlé dans des enregistrements, mais dans le fond, par rapport à ma fille, on avait, dans le fond, on avait trouvé un service de garde. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la personne responsable du service de garde, dans le fond, notre fille commençait à fréquenter à ma compagne et moi le service de garde, puis une série de semaines. Et puis, à un moment donné, il y a eu une inspectrice du gouvernement qui est venue, qui a fait une enquête et qui a fermé, je ris, mais c'est vraiment pas drôle, là, le service de garde. Et avant que ça soit fermé, on discutait avec des personnes, les gens vont dire, au Québec, voyons donc, il manque au-dessus de 30 000 places en service de garde. Ils sont quand même pas assez stupides pour fermer un service de garde, surtout que de manière apparente, il n'y avait rien de dangereux. Tu sais, c'est pas comme à Maton, le service de garde. Il y en a un que j'avais visité pour ma fille, puis c'était dans un sous-sol où il n'y avait même pas de rampe d'escalier. Fait que c'est sûr que si l'enfant tombe de l'escalier, il peut se blesser en descendant du premier étage au sous-sol. Il y a des choses évidentes. Le service de garde que je parle, il n'y avait aucun problème de type évident. D'ailleurs, j'ignore toujours pourquoi il a été fermé, mais bref, il a été fermé. Et c'est sûr que ici au Québec, tout ce qui est gouvernemental, que ce soit le réseau de la santé, le réseau des services de garde, est problématique. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont en Europe, là, puis qui voient le Québec comme une espèce de nouvel Eldorado où les gens ont un bon niveau de vie, tout va bien, c'est pas tout à fait vrai. Il y a le problème aussi à l'accès à l'habitation, au logement, qui est un autre enjeu. Mais bref, pour ce qui est du service de garde, je vais continuer avec mon histoire. C'est que, les gens de mon environnement ont dit, voyons donc, ça a été inspecté, voyons donc, l'inspectrice osera quand même pas fermer le service de garde, il en manque au Québec. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils l'ont fermé. Puis on l'a appris quelques jours avant. Moi, ma compagne pouvait prendre un congé sans solde par rapport à son travail, chose qu'elle a faite. Mais si elle n'avait pas eu cette opportunité-là, parce qu'elle était retournée au travail, notre fille en service de garde, elle aurait perdu son travail. Moi, personnellement, j'ai rencontré des gens ici au Québec, des femmes, en fait, qui ne travaillent pas. Non pas qu'elles ne veulent pas travailler ou qu'elles n'étudient pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas accès à de services de garde, puis sont bloqués. C'est à ce point-là. Là, je suis content dans un sens parce que j'ai un seul enfant, on a un service de garde. Les places en CPE, c'est-à-dire les places en service de garde à coût modique, qui ont été développées par le gouvernement, c'est très rare que les gens y ont accès, là. Une très faible minorité de la population a accès à ça. On peut mettre notre nom sur notre liste, chose qu'on a faite il y a plusieurs années. Ma fille est rendue à peu près à 2 ans et demi, où ce que je moment que je vous parle. Et on a été contacté, oui, par rapport à un centre de petite enfance pour une place, mais c'était à temps partiel, c'était pas à temps plein. Avoir accès à une place à temps plein en CPE, il y en a qui se font pas appeler, ou comme en faisait caricature un animateur radio. L'enfant est rendu style à 6 ans, il est rendu au primaire, puis là, il se fait appeler pour une place en service de garde, mais il est trop tard à cause des délais d'attente qui sont très importants vu que c'est très en demande. Tout ça pour dire quoi? C'est parce que ça prend de l'argent pour compenser par rapport à tout. Comme l'éducatrice que j'ai en service de garde, elle, à la fin du mois de septembre, pendant 6 semaines, elle va être en période de repos parce qu'elle va être opérée. Et puis, dans le fond, pendant cette période-là, c'est parce que, comme je vous expliquais, on n'a pas eu accès à un service de garde de CPE. Là, on a un service de garde en milieu familial depuis plusieurs mois. Ça va très bien. L'éducatrice est gentille. Ça a une dimension humaine. Des fois, c'est ce que les gens en CPE se font rapprocher que, tu sais, c'est très strict par rapport aux heures, pour la sieste, les heures des repas. Tu sais, là, c'est plus adapté au rythme de l'enfant. Ma fille a l'air heureuse, OK. Tout semble s'aligner. Mais là, sauf que l'éducatrice va avoir une opération dans les prochains mois. par rapport à l'un de ses seins, puis ensuite elle va être en période de repos, puis pour pas que ça s'infecte, faut pas qu'elle se penche à répétition, elle prenne des enfants ou elle bouge pour diminuer le risque d'infection. Fait que là, il va falloir qu'on compense par rapport au fait que, dans le fond, elle pourra pas s'occuper du service de garde. Donc, il a fallu qu'on s'organise avec une voisine, manquer des jours de travail. Une voisine est prévue garder notre fille 3 jours par semaine. Moi, une journée par semaine, m'occuper de ma fille, ma compagne, une autre journée par semaine pour faire une période de temps plein, puis payer, dans le fond, l'éducatrice à l'enfance pendant la période où elle s'occupe pas de notre fille pour garder notre place. Donc, parce qu'elle n'a pas accès à du chômage maladie, elle travaille à son compte. C'est pas un emploi salarié qu'elle fait. Donc, il faut compenser pour les lacunes du système. Tu sais, si le système serait intelligent pendant la période de 6 semaines, on nous proposerait quelqu'un d'autre qui s'occupe de notre enfant, éducatrice service de garde. Mais non, c'est pas ça. Puis pour ce qui est des gens qui vieillissent, naturellement, si les gens veulent avoir des soins décents dans le domaine de la santé, ben ça va être l'argent. J'en ai souvent parlé dans des enregistrements, mais c'est parce que j'ai eu à l'oreille des cas d'aberration. Mais c'est parce que c'est ce qui peut faire la différence entre qualité de vie ou de pas. Tu sais, quelqu'un, par exemple, qui a un problème au genou, ça coûte 30 000 $ l'opération. Soit que la personne va dans le privé, elle se fait opérer tout de suite, ou elle va attendre dans le réseau public 2 ans, alors qu'elle a mal. Tu sais, il y a des choses comme ça, là. Fait que bref, pour avoir accès à de la médecine de qualité, ça prend de l'argent. Service de garde, ça prend de l'argent. Ou compenser pour les lacunes du système à différents niveaux. C'est sûr, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui ont eu des accidents d'automobile, des accidents de travail. Naturellement, la protection publique, que ce soit la CNSST ou la SAAC, ne va pas nécessairement reconnaître toutes les limitations de la personne. Des fois, les organismes gouvernementaux aussi vont être réticents à indemniser des gens pour éviter les fraudes. Ça, je peux comprendre qu'il faut que ça soit quand même justifié, mais il peut y avoir aussi de l'acharnement qu'ils ont leur médecin qui ne reconnaît pas l'expertise du médecin, de la personne qui veut être indemnisée. Donc, le médecin, par exemple, la CNSST, va reconnaître, je ne sais pas moi, le 2/3 des limitations, puis l'autre médecin, le médecin de famille, la personne dit non, il y a plus de limitations que ça. Puis là, il y a une guerre de chiffres parce que la personne veut aller chercher plus d'argent pour ses indemnités. Mais si c'est vrai qu'elle a autant de limitations qu'elle dit, elle devrait être reconnue à la juste hauteur de ses limitations. Moi, au moment où je vous parle, dans le fond, ce qui me donne la volonté, entre autres, de m'enrichir, c'est de réaliser toutes les lacunes du système, toutes les laissées pour compte par rapport aux systèmes sociaux, dans le sens que le Québec, si je regarde notre façon qui est gérée, notre société, c'est très mal géré sur plusieurs points. Comme par exemple, on va parler de la pénurie de logements, la pénurie d'accès à l'habitation à des coûts abordables, mais les délais pour qu'un entrepreneur ait accès à une autorisation pour construire des immeubles à logement ou à condominium, ça peut être depuis plusieurs mois à Montréal. Ou plusieurs, je pense qu'il parlait quasiment d'une année, là. J'ai écouté un reportage pour montrer que ça n'a pas de sens. C'est sûr que la pénurie de logement ne se réglera pas de sitôt. Ou de faire venir massivement des immigrants, mais pas augmenter l'offre de logement en proportion. Chose qui a été faite au Canada dans les dernières années. Puis après ça, on se plaint comment ça que les jeunes n'ont pas accès à la propriété, puis le coût des maisons puis des logements monte en flèche. C'est sûr, il y a un jeu de l'offre puis la demande. À mon avis, c'est un mécanisme économique évident. Donc, moi, ce que je. Ma compréhension des choses au fil du temps par rapport à la question de l'enrichissement ou de l'indépendance financière, pour s'engager sur ces voies-là, puis que la personne s'engage réellement, faut qu'elle ait souffert de quelque chose. Moi, ma compagne, dans le fond, quand elle s'est rendue compte que ça ne marchait pas le système, dans le sens qui était prévu que, bon, elle retourne travailler, elle recommence à travailler un bout de temps, finalement, le service de garde, il y a un inspecteur qui passe, ça lui fait fermer le service. Là, on se ramasse à une période où on n'a pas accès de service de garde. Il y a eu des démarches qui ont été faites, on a retrouvé une autre éducatrice à l'enfance ailleurs. Puis pendant ce temps-là, ben naturellement, elle ne travaillait pas à temps plein. Une chance qu'elle pouvait prendre un congé de la part de son employeur sans perdre son travail, parce qu'aujourd'hui, elle aurait perdu l'emploi qu'elle a. Fait qu'elle a été confrontée à ça. Fait que là, elle trouve ça quand même intéressant quand que je parle de la bourse et ces choses-là, parce qu'elle voit, elle a été affectée, tout comme moi, au niveau santé personnelle, là, des lacunes du système là, par rapport à mon opération. En passant, mon état est stable depuis plusieurs mois. À un moment donné, un de mes auditeurs, parce que je parlais beaucoup de mon problème à l'urètre, il était tanné. Puis bon, il avait raison parce que je me répétais beaucoup là-dessus. Présentement, il y a des gens par rapport à la période présente qui peuvent me reprocher que je parle souvent de la bourse, des cryptos. Mais à ce moment-là, je propose tout simplement de ne pas écouter les enregistrements ou ce que le titre est crypto ou investissement là, là-dedans, là, tout simplement. Mais bref, ce que j'ai à dire, c'est que mon état est stable et heureusement, parce que c'est une maladie auto-immune que j'ai, les cannes sclérosées atrophiques, puis il peut avoir à un autre moment donné une rechute. Mais ça m'a fait réfléchir, ça m'a créé un choc, comme je le disais tantôt, qui m'a amené à m'investir dans l'investissement. Puis je vous dirais, parce que l'année passée, j'ai ouvert un compte de gestion autonome sur Dysnap, puis je regardais mon résultat de rendement. J'ai fait 27,62% de rendement, alors que pendant la même période, pour un an, le Nasdaq a fait 15,70% de rendement. Donc, le Nasdaq se rapporte aux 100 plus grandes entreprises dans le domaine de la technologie. Donc, je peux dire que, sans équivoque, que j'ai surperformé le marché. Si j'avais eu 15,70 ou moins, la gestion que je fais, dans le fond, en prenant plusieurs titres, en achetant à certains moments plutôt que d'autres, j'aurais été obligé d'admettre humblement que le rendement est moindre que le marché, mais présentement, je suis en zone de surperformance. Fait que je suis content. Ça me confirme objectivement à travers ce critère-là, donc mon état financier, que ça fonctionne finalement, ce que je fais. Il faut que je sois humble. Puis la même chose pour les prochains mois. Donc, c'est sûr que quelqu'un peut dire, ben, je vais faire avec un conseiller financier, mais c'est tout le temps de voir est-ce que les placements du conseiller financier vont battre ou pas l'indice. Si quelqu'un fait affaire avec un conseiller puis ça coûte des frais élevés, style de 2 à 2,5% de frais de gestion, puis la personne se ramasse à avoir moins que 15,70% de rendement pendant son année, alors qu'elle pourrait prendre un ETF, un fonds négocié en bourse comme XQQ, qui va donner c'est à peu près ce rendement-là avec des frais de 0,40 au lieu de 2% ou 2,50. Mais là, à ce moment-là, il dépense pour un conseiller financier qui ne bat pas l'indice. Fait que c'est moins intéressant sur le plan financier pour s'enrichir. C'est moins payant, là. Et c'est tout le temps de voir aussi c'est quoi les objectifs de la personne. Mais tout ce que je constate aussi, c'est que ça, c'est une question qui est très dure puis lourde. C'est qui veut vraiment s'enrichir ou améliorer sa situation financière? Parce que ce que je dois dire, c'est à part des gens qui souffrent d'une difficulté financière ou qui sont préprogrammés d'une manière lourde pour s'enrichir par conditionnement parental sévère ou aigu, quelqu'un qui vient d'un milieu de comptable où ce que la finance est valorisée, je vous dirais, ou astrologique. Moi, c'est pas pire, j'ai une programmation astrologique qui m'avantage au niveau de la finance, parce que je suis un Verseau de type capricornien, plutôt qu'uranien, donc je suis plus proche de la planète Saturne qu'Uranus. Uranus, c'est les gens du signe en astrologie du Verseau qui sont foufou, dans le sens que c'est des gens qui vont friser entre la folie et le génie, là. Sont originales, etc. Tandis que capricornien, c'est plus sévère, c'est plus austère, c'est plus discipliné, c'est l'esprit de calcul, c'est lié à Saturne, qui est la planète des retraites, puis ce genre de choses-là. Fait que moi, je suis plus dans l'austérité. Je comprends que j'ai pas nécessairement beaucoup de visionnement, parce que j'ai pas une personnalité aussi flamboyante que certaines personnalités publiques. Je vais prôner des valeurs très conservatrices, comme par exemple l'importance de l'argent, du patrimoine. Je parle souvent de ça à ma compagne, que c'est important d'avoir une marge de manœuvre sur le plan financier, qu'on ne peut pas compter sur le réseau public, même le réseau des retraites. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va arriver quand je vais être à l'âge des retraites. J'ai 44 ans, disons, dans 30 ans. Même chose pour les gens en France. Sachant le taux d'endettement de la France en particulier, parce que j'écoute beaucoup du monde dans le domaine de la finance aussi, en plus du Québec, là, en Europe, bien, vous allez être dans le pétrin. Là, probablement que le gouvernement ne sera pas capable de payer, comme le Régie des rentes du Québec, à chaque fois que les gens travaillent, il y a une partie du salaire ici au Québec qui est prélevée dans l'optique que ça l'aille pour la retraite par la suite. Mais si les gens se fient là-dessus aveuglément, qu'ils vont avoir l'argent qui ont cotisé pendant plusieurs années au moment qui vont être rendus à la retraite, j'ai des sérieux doutes. Pourquoi? Ben parce qu'on est mal géré ici au Québec. Puis probablement qu'il va falloir compenser, un peu comme moi quand j'ai compensé dans le domaine de la santé. Puis de voir aussi, c'est bien beau la régie des rentes, mais est-ce que la personne est capable de vivre dignement, décemment avec cet argent-là? Ou en réalité, il faut qu'elle ait d'autres argent pour compenser? Et moi, je suis de l'avis que déjà présentement, ça en prend d'autres. Puis, avec l'endettement massif que court, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va créer, entre autres, peut-être plus en Europe, puis la France en particulier, avant le Québec, là, par rapport au taux d'endettement. Il y aura sans doute des Français qui vont descendre dans la rue parce que c'est mal géré, eux autres aussi. Et puis, eux autres sont plus dans les revendications sociales qu'ici au Québec, là. Mais tout ça pour dire quoi? En fait, ce que je vous dirais, c'est que je suis arrivé à un point parce que, bon, je commence à faire de. Ben en fait, ça fait à peu près un an que je fais de la gestion active de portefeuille. J'avais commencé en juillet 2025 et 2024, pardon, l'année passée, c'est-à-dire au dérateur 2025. Puis je réalise qu'il y a des gens que j'ai parlé à ça qui peuvent s'enrichir davantage. Je pense entre autres à une personne de mon environnement. Dans le fond, ça ne l'intéresse pas autant que moi, puis c'est correct. Par contre, j'y ai dit, plains-toi pas que le coût de la vie, ça coûte cher, puis les assurances coûtent cher, puis la nourriture. Parce que là, moi, je connais des informations qui peuvent t'aider à t'en sortir, dans le sens que quelqu'un qui investit, entre autres, dans des fonds négociés en bourse qui donnent des revenus passifs, ça va être au-delà de l'inflation. Des choses très simples comme d'investir dans l'SP500, Nasdaq 100. Bon, si le Nasdaq 100, comme j'en parlais tantôt, donne 15,70, puis l'inflation est à peu près à entre 2 et 3 %, bon, ben, il y a une façon de protéger le capital contre l'inflation, la perte de valeur. Personne n'a pas besoin de faire des calculs complexes puis étudier d'une manière très détaillée et pointue le cycle du Bitcoin puis les autres crypto-monnaies, puis faire des pirouettes intellectuelles pour évaluer c'est quand le meilleur moment pour vendre puis acheter dans des marchés aussi spéculatifs. Non, non, la personne peut prendre les choses de manière relaxe là, en achetant des fonds négociés en bourse à toutes les semaines ou à chaque fois qu'il y a un peu d'argent de côté, puis avoir un très bon résultat en faisant zéro gestion active de portefeuille, là, c'est très envisageable, là, ouais. Donc, mais si la personne ne fait pas ça, puis elle vient me voir, puis elle se plaint, ah ben, c'est pas drôle, ça coûte cher aujourd'hui, blablabla, je lui dis non. Je dis oui, ça coûte cher, mais je dis, tu ne passeras pas ton temps à me plaindre, il faut que tu te mettes en action pour changer les choses, pour devenir plus riche, puis des actions très concrètes que tu peux faire, mais qui va le faire? Moi, j'ai une volonté, mais je le fais pour moi, dans le sens que, comme par exemple, pour économiser, ben, pour investir en bourse, j'achète des vêtements dans des friperies. Puis, l'ironie du sort, c'est qu'à un moment donné, puis ça, je fais ça depuis plusieurs années, ben, par rapport à l'augmentation des coûts, entre autres des articles comme des vêtements, ben, je constate quoi que, par exemple, j'avais acheté à un moment donné une chemise dans un magasin de luxe pour hommes. Ben, je dis de luxe, façon de parler, là. Disons que la chemise m'avait coûté, dans le fond, à peu près 100 $. Aujourd'hui, ça serait peut-être 120 ou 130. Puis la chemise a duré moins longtemps qu'une chemise que je vais acheter au Village des Valeurs au coût de 15 $. Donc, usagée. Pourquoi? Ben, celle usagée, ben, elle a été lavée une couple de fois, donc elle a fait preuve d'une certaine durabilité, tandis que si on achète une chemise qui est neuve, dans certains cas, après un certain nombre de lavages, elle va se dégrader. Puis l'état de dégradation, ben, si la chemise a fait un certain lavage, ben, on le voit si la qualité de la couleur se dégrade ou du tissu, tandis que l'autre qui est neuf, l'expérience liée au lavage n'a pas été faite. Il y a des choses qui peuvent être très simples, qui peuvent être faites, comme pas manger au restaurant, parce que ça coûte cher, se préparer soi-même des lunchs lorsqu'on a à se déplacer. Ensuite, user les vêtements à la corde. Quelqu'un qui est chez eux, puis il y a des bas troués ou des pantalons qui sont troués, mais qui ne portent pas à l'extérieur, ça évite d'user les vêtements neufs. Ouais, où ce que je suis en logement depuis 2012 à un endroit. Quand je suis arrivé, l'ancien locataire avait laissé traîner son manteau. C'est un manteau d'été. Bon, mais il avait laissé ça là. J'ai essayé le manteau me fait. Résultat, depuis 2012, c'est en 2025. Ça fait donc 13 ans que je porte, dans le fond, le manteau de l'ancien locataire. Puis, savez-vous quoi? Il me fait toujours. Pourquoi acheter un manteau neuf ou le changer alors que ça fait? User les choses à la corde. Même chose pour un téléphone cellulaire. Moi, j'achète pas le dernier iPhone à toutes les années ou 2 ans qui va sortir. Là, je veux rien savoir de ça. J'ai acheté, oui, un téléphone, mais là, c'est en 2018. Là, on est en 2025. Donc, ça fait 7 ans. Puis, quand que le téléphone sera vraiment plus fonctionnel, ben là, je vais m'en départir. Mais pour l'instant, il est encore utile. Donc, je l'use à la corde. Fait qu'il y a des moyens très simples, mais qui veut aller de là-dedans? C'est sûr que c'est pas très populaire, c'est pas ce que je parle très sexy, là. Donc, mais c'est en lien avec les valeurs du Capricorne, de l'austérité. Moi, je suis ascendant Capricorne, moi, je suis Verseau, mais je suis ascendant Balance, mais Verseau Capricornien, pardon. Fait que, il y a sans doute des gens qui ont des valeurs plus conservatrices qui risquent de rentrer en résonance avec moi. Ben, c'est correct. Il y en a d'autres pas du tout. On va dire, ben non, tu t'empêches de vivre puis tout ça. Ouais, mais est-ce que vivre, c'est surconsommer? Moi, j'ai toujours eu comme perspective depuis mon enfance que notre société est liée à la surconsommation, qu'il y a plein de choses qu'on achète que, tu sais, c'est pas intelligent. Premièrement, ça crée de la pollution inutilement. Puis ensuite, ça nous rend pas nécessairement plus heureux. Puis des fois, ça a des effets contraires. Je me rappelle l'été passé, j'avais été avec des gens au restaurant. Et puis, dans le fond, en allant au restaurant avec eux, bon, c'était un bon repas, là, tu sais, le repas, là, style à 100 $ le couvert avec bouteille de vin. Tu sais, un repas qui sort de la routine, là, ou ce que je vois pas au restaurant. Puis finalement, ben après ça, comme je n'étais pas habitué à boire autant de vin puis de manger autant, ben je me suis pas senti bien. Ça m'a amené à avoir mal au ventre, mal à la tête, avoir des douleurs à l'estomac, puis de faire de la diarrhée, aller déféquer avec des selles liquides. Fait que j'étais pas content de mon expérience. De un, ça coûte cher. Deux, parce que ça me perturbe par rapport à mon alimentation habituelle. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, est-ce qu'on est fou? Dans le sens que je pensais, entre autres, il y a quelques années, j'avais été voir un spectacle Rammstein avec un oncle et on était proche des gens qui se rentraient dedans. Au début, on a regardé ça, on trouvait ça drôle, mais à un moment donné, quelqu'un peut se déboîter une épaule ou manger un coup, là. Quand il y a des gens qui se mettent à sautiller sur place puis donner des tasser sur les autres en donnant des coups d'épaule, à un moment donné, quelqu'un peut être blessé. Est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça? Bref, il y a toutes sortes de choses comme ça qui ont éveillé le questionnement chez moi. Et puis aussi, les gens qui sont pauvres, tu sais, des fois on entend parler, ah, au Bangladesh, les vraies victimes de la mode sont là. Il y a eu des reportages qui ont été faits par rapport à l'émission En jeu, où il expliquait que plusieurs années après, naturellement, où ce que le bâtiment s'était effondré au Bangladesh, où des gens faisaient des vêtements que, dans le fond, ils vivent encore dans des situations pitoyables, puis que tous les responsables d'entreprise qui, suite à cet incident-choc, ont dit « Non, non, on va s'organiser, que les gens soient indemnisés, qu'il y ait des belles conditions de travail, etc. Naturellement, les choses n'ont pas rentré totalement dans l'ordre selon ce qui était dit. C'est ce que je m'y attendais. Mais la question que je serais curieux de savoir, est-ce que vraiment, parce que moi, je suis en contact avec des Québécois, il y en a qui sont plus fortunés que moi, je pense entre autres à quelqu'un de mon environnement, mais il ne va pas investir dans des choses qui sont payantes. Ou tu as des gens qui sont retraités, ils investissent massivement dans les certificats de placement garanti, ce que certains appellent des certificats de pauvreté garantie. Tu as des gens qui ont plusieurs centaines de milliers de dollars, il y en a qui ont 300, 400 000, mais ça leur donne entre 3 et 5 % de rendement par année, alors qu'un fonds négocié en bourse avec option d'achat, comme par exemple Tesla, une personne peut avoir ça par mois. Naturellement, il y a plus de risques que les certificats de placement garantis, c'est clair. Mais en même temps, il y a un écart entre les deux, entre avoir le même montant sur un an versus sur un mois de rendement, même pourcentage de rendement, il y a quand même un écart qui me paraît flagrant, là. Sans passer d'un extrême à l'autre, tu peux avoir un entre-deux comme investir sur un fonds négocié en bourse que le risque est plus réparti, style Nasdaq 100. Mais bref, ça appartient à chacun. Mais ma curiosité, ça serait de prendre ces gens-là au Bangladesh, qui sont dépeints par nos médias occidentaux comme étant les pauvres victimes d'un système d'exploitation où ce que c'est de la main-d'œuvre à bas salaire, du cheap labor, comme on dit ici au Québec, qui sont dans des conditions d'esclavage, mais si on leur donnerait la chance à ces gens-là d'avoir accès à de l'argent, est-ce qu'ils le géreraient intelligemment? Puis est-ce que ils feraient une gestion active de la bourse efficace? C'est ça ma question. Puis est-ce qu'ils veulent vraiment sortir de la pauvreté? Ça, c'est une autre question. C'est comme l'histoire qu'on m'avait racontée qu'en Afrique, il y a des gens qui sont venus pour aider un village dans le cadre de l'aide humanitaire. Ils ont construit un puits. Et que par la suite, ce qui est arrivé, c'est que les gens qui étaient habitués de parcourir en fait plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau potable, en fait c'était des femmes, profitaient de l'occasion d'aller chercher de l'eau potable pour socialiser entre elles. C'était leur sortie de la journée, ça leur permettait de discuter, d'échanger. Par la suite, en ayant le puits, ben il n'y avait plus de raison d'avoir cette sortie-là. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'apparemment, ils ont souffert de ça, puis il y a quelqu'un qui a bouché le puits, puis ils étaient comme contents pour retourner sortir ensemble pour aller chercher l'eau potable, puis avoir une sortie entre femmes, sans que les enfants ou les hommes soient là. Fait que, il aurait fallu un autre lieu de socialisation pour ces femmes-là, tu sais, dans le sens que. Il y en a qui, au Québec, ils vont faire du cardio plein air, cardio poussette là, pour les femmes qui ont des enfants à bas âge ou faire des jeux de Scrabble ou, tu sais, il y a d'autres activités sportives là, ou d'autres choses que la personne peut faire là, sans parcourir plusieurs kilomètres. Mais de la perspective d'un occidental qui aime la technologie, ils vont dire, ben, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'il y ait accès à l'eau potable directement chez eux à partir d'un puits ou du robinet. Ils ne peuvent pas parcourir plusieurs kilomètres pour y avoir accès. Et ça, c'est notre perspective. Mais de leur perspective, peut-être c'est plus agréable de socialiser en parcourant ces kilomètres-là que de rester tout seul chez soi devant la TV l'essentiel de la journée ou être dans de l'isolement. Fait qu'il y a toujours plusieurs choses à prendre en considération. Puis là, c'est sûr qu'il faut faire preuve d'une perspective qui nous décentre sur le plan culturel pour ne pas être dans l'ethnocentrisme, pardon. Mais la question que je pose, puis que je me suis posée, c'est une question qui est lourde de responsabilité et de sens, c'est de savoir les gens qui sont décrits comme étant esclaves du système capitaliste, qui vont faire les emplois que les gens ne veulent pas faire au Canada, en France ou aux États-Unis, des emplois, là, entre autres dans l'industrie textile qui a été délocalisée dans des pays comme le Bangladesh. Des emplois répétitifs à un certain niveau qu'on peut voir en tant qu'occidentaux comme étant aliénants. Est-ce que vraiment ces gens-là veulent faire autre chose ou est-ce que vraiment les gens veulent s'en sortir? Et c'est sûr qu'une partie, à mon avis, de notre élite financière, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, qui a du mépris pour les gens qui sont pauvres en disant ben, ils sont pauvres, mais ils ne veulent pas nécessairement s'en sortir. Donc, à ce moment-là, ça justifie leur situation d'exploitation. Je suis pas dans cette perspective-là, parce qu'il y a des gens qui sont pauvres, qui veulent s'en sortir, puis il y a des gens qui sont pauvres et qui ne veulent pas s'en sortir. Et à mon avis, ce qui fait la différence entre les deux, c'est souvent le niveau de souffrance vécue lié à la pauvreté. Quelqu'un qui souffre parce qu'il n'a pas accès à un soin de santé qui est important pour lui, mais là, ça se peut qu'il s'engage réellement pour s'enrichir puis passer au-delà de sa morale qu'il avait. Moi, ce qui a changé chez moi depuis 2023, pour être honnête avec vous, la bourse avec le SP500, Nasdaq 100, donc avec les grandes entreprises américaines, je voyais ça comme étant quelque chose de pas beau. Lié à de l'exploitation, j'ai toujours une constatation que c'est lié à une forme d'exploitation aussi, parce qu'aux États-Unis, naturellement, il y a à peu près moins d'un pour cent de la population qui possède l'essentiel des entreprises, puis un très grand déséquilibre entre le président, directeur général d'une entreprise, le PDG, le CEO, comme diraient les Américains, puis l'ouvrier au bas de l'échelle, puis au cours des décennies, l'écart s'est creusé. Dans le sens qu'à un moment donné, un responsable d'entreprise pouvait gagner 30 fois le salaire de celui-là qui est en bas, 50 fois, 100 fois, etc. L'écart se creuse. Et dans le fond, le système capitaliste, je le voyais quelque chose comme étant pas correct, il y a de l'exploitation. Mais quand on souffre d'une condition médicale, que moi, ça me prend un suivi à vie jusqu'au moment de ma mort par rapport au lichen sclérose atrophique pour pas que mon urètre se mette à boucher de nouveau, j'ai aucune gêne à investir en bourse, je vous dirais, dans l'SP500, Nasdaq 100. C'est ce qui me permettrait, ce qui me permet entre autres de faire de l'argent ou faire de la gestion active de portefeuille, sachant que les entreprises ont un rapport de parasitage ou d'exploitation de la population. En tant qu'être humain, puis dans ma dimension physique puis animale, j'ai un instinct de survie aussi. Puis j'ai aussi la constatation que des gens qui sont au bas de l'échelle, mais qui font des mauvais choix de consommation, ils s'endettent massivement pour s'acheter des autos. Bon, j'ai eu vent, entre autres, du cas d'une personne. La personne, elle achète une auto au gros prix, puis après ça, elle chiale qu'elle n'a pas d'argent. Mais elle a pu s'acheter une auto usagée à la place, parce que la principale dévaluation, soit dans les premières années, entre 25 et 30 % de la valeur d'une auto se dégrade, diminue en fait. Donc, dans les premières années, là, chose que j'ai faite en passant, là, moi, je me suis acheté une auto usagée il y a quelques années et je ne le regrette pas du tout. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Est-ce que la personne prend vraiment tous les moyens pour s'en sortir? C'est sujet à discussion. Donc, puis, en même temps, c'est propre à chacun. Puis oui, il y a des gens qui sont pauvres, puis ils veulent s'en sortir, puis ils n'y arrivent pas. Puis ça, c'est le drame humain. J'écoutais dans les dernières semaines des enregistrements de Laurent Alexandre par rapport au drame lié à l'intelligence humaine, donc le quotient intellectuel. Donc, Laurent Alexandre, c'est dans le fond un médecin français, super intelligent, là, dans le sens que le gars, il a écrit plusieurs livres. C'est vraiment par rapport à l'étude, entre autres, du domaine de l'intelligence artificielle là, dans lequel il va pousser essentiellement sa réflexion. Mais le point que je veux faire par rapport à lui, ce qu'il disait, puis malheureusement, mes observations rejoignent ça, c'est que l'intelligence artificielle est essentiellement déterminée sur le plan génétique, c'est pas culturel. Puis aux États-Unis, dans une perspective sociale puis morale, ils ont voulu faire un programme qui s'appelle No One Should Be Left Behind, donc pas personne devrait être mis de côté ou tu sais, laissé pour compte, pour améliorer la scolarité de tout le monde, mais malheureusement, il avait truqué les résultats. Mais dans les faits, même si un enfant a accès à des meilleures ressources éducatives, si la personne a un faible quotient intellectuel, on n'en fera pas un docteur en philosophie. Elle n'aura pas nécessairement un doctorat. Ça, c'est les constatations auxquelles qu'il en vient. Puis malheureusement, dans ma vie de tous les jours, puis mes discussions avec les gens, les gens qui sont intelligents restent intelligents avec le temps. Le quotient intellectuel, ça ne varie pas. Puis même si la personne a se force pour étudier, pour comprendre des choses, pour développer des meilleures méthodes d'éducation, ça n'augmentera pas nécessairement le quotient intellectuel. Et ça, c'est le drame humain. Puis lui, pour pallier à ça, il parlait de la possibilité d'augmenter à travers le Neuralink. Donc, implanté dans le cerveau des êtres humains qui sont moins intelligents. De la technologie pour les rendre plus intelligents, puis combler la défaillance liée à la programmation génétique associée à la nature pour lutter contre les injustices sociales, dans le sens permettre aux gens qui sont atteints de déficience intellectuelle, c'est le désir, d'augmenter à travers le Neuralink que parle Elon Musk, donc implanter le cerveau par rapport à des microprocesseurs pour que la personne soit plus intelligente dans une optique de justice sociale et d'égalité des chances. Donc ça, c'est sûr, c'est un discours qui tient, qui est très audacieux et que ça a des enjeux très lourds, naturellement. Mais ça éveille, comme on dit, le questionnement. Par rapport à ça, c'est ce que j'ai à dire. Mais le point, c'est qu'en effet, il y a des gens qui ne sont pas intelligents, qui ne peuvent pas devenir intelligents, puis c'est la faute de la programmation génétique. C'est très lourd de responsabilité et de conséquences. Puis il y a des gens qui sont pauvres, puis ils ne peuvent pas faire autrement que d'être pauvres parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'intelligence pour réaliser un travail qui va leur donner plus d'argent. Fait que ça, c'est un autre drame humain. Mais c'est de voir par rapport au travail qui est peu rémunérateur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour améliorer, dans le fond, leur situation financière, leur niveau de vie. Ça, c'est un autre sujet. Mais sinon, je voulais conclure cet enregistrement-là que je fais depuis tantôt. En fait, les constats que je fais dans les dernières semaines, les derniers mois, sont très pessimistes par rapport à l'ensemble de l'humanité parce que je constate qu'une poignée d'individus qui sont très riches, qui s'organisent pour se maintenir étant très riches, puis une majorité des gens qui sont pauvres, puis c'est comme... Il n'y aura pas nécessairement de changement social pour plus d'égalité là, dans des sociétés, je pense, comme les États-Unis. Ben, j'ai regardé ce qui s'est passé aux États-Unis récemment avec le Beautiful Bills. Donc, Donald Trump a donné des baisses d'impôts multinationales qui vont devenir encore plus riches. Oui, il est supposé avoir des baisses d'impôts aussi pour les gens de la classe moyenne ou les travailleurs. Mais encore là, si le niveau de vie augmente en lien avec la guerre des tarifs, ces gens-là vont être les premiers affectés. Quand il y a de l'inflation, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui a besoin d'un montant de base X pour fonctionner, bon, disons la personne vit au Québec puis elle a besoin au minimum pour fonctionner, son minimum vital, disons que c'est 2 000 $ par mois, dont 1 000 $ pour le logement, le reste c'est la nourriture, puis les assurances, puis ce genre de choses-là. Bon, ben si l'alimentation augmente, puis le coût du logement aussi, mais son salaire augmente pas à cause de l'inflation, puis elle n'a pas de plus de revenus, ben elle s'appauvrit. Puis oui, les riches sont affectés aussi par l'inflation, parce que les riches, à part des gens qui pratiquent le jeûne intermittent, qui sont moins impactés, mais la plupart des gens qui mangent à tous les jours, plusieurs fois par jour, sont affectés aussi, sauf que c'est pas pareil. Quelqu'un qui a de l'argent, puis il a des déplacements, il est affecté par l'augmentation des prix, mais si, par exemple, bon, admettons, les prix augmentent de 3%, mais en même temps, la personne a fait, disons, 15,70% de rendement sur un an en prenant un fonds négocié en bourse lié au Nasdaq 100. Fait que si on enlève 3% de l'inflation moins 15,70, ça fait qu'elle s'est enrichie de 12%. Fait que c'est quand même moins pire. Donc, j'écoutais Joe Finance, c'est une chaîne YouTube, puis là, il expliquait, ben c'est que les gens les plus riches qui ont des actifs connaissent une valorisation en période d'inflation parce que l'immeuble à logement ou le coût des logements va augmenter, etc. Les actions à la bourse aussi. Donc, tout augmente sauf la valeur du dollar. Fait que là, ils s'enrichissent, mais les gens qui sont soit pauvres ou de la classe moyenne, qui n'ont pas d'actifs, c'est eux autres qui s'appauvrissent, puis c'est un système à double niveau. Plus que tu es riche, plus que c'est facile d'être riche. Jouer au Monopoly, vous allez le voir comment que ça fonctionne, le système capitaliste qui permet de faire des monopoles. Puis c'est toujours le constat que si tu as 100 000 $ c'est plus facile de faire un autre 100 000 $ que si tu as zéro, puis si tu as 1 000 000 c'est plus facile de faire générer un autre 1 000 000 que si tu n'en as pas. Mais à force que je joue au Monopoly au fil du temps, ben je constate que c'est ça qui s'applique dans la réalité. Quand on joue au Monopoly, si on tombe sur un terrain, il y a des terrains qui donnent plus d'argent que d'autres aux propriétaires. Bon, mais c'est la même chose pour les fonds négociés en bourse. Au Monopoly, tu as un terrain, mettons, qui si tu tombes dessus, tu vas payer 200 $, l'autre va payer 300, etc. 500, 700, bon, ben, c'est la même chose. C'est un fonds négocié en bourse qui va te donner à chaque année à peu près 15% de rendement. L'autre, il va te donner 10%. Bon, ben, si tu veux t'enrichir, tu prends celui qui donne 15% si tu es prêt à assumer le risque qui va avec, parce qu'habituellement, tu n'as rien pour rien dans la vie. C'est la même chose. Si tu vas au Monopoly puis tu décides d'acheter un terrain qui vaut 800 $, puis l'autre, il en vaut 500, c'est sûr que sur celui qui vaut 800, tu vas pouvoir charger un loyer plus élevé que l'autre qui vaut moins cher, donc t'enrichir plus. C'est les bases du système économique qui sont enseignées à travers ce jeu-là. Puis ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'à travers du jeu de Monopoly Chance, que je joue depuis quelques semaines, vous pouvez trouver sur Internet, acheter, c'est un jeu plus spécialisé, il n'y aura peut-être pas nécessairement dans tous les commerces. Ben là, on voit par rapport à l'investissement en crypto, je trouve la notion de risque et d'engagement. Quand on joue à Monopoly Chance, on va retourner des cartes. Puis si on tombe sur une carte faillite, on arrête de retourner des cartes. Mais si on continue, on peut retourner une carte d'un million, 2 millions, 3 millions. C'est très différent là, du Monopoly standard parce que par rapport à Monopoly standard, il y a eu des variantes comme la Monopoly version québécoise avec des noms de lieux québécois dessus au lieu des noms américains. Mais là, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment d'un jeu en lien avec le Monopoly, donc aller acheter, prendre possession des propriétés, des terrains, mais différent. Monopoly Chance, c'est que tu retournes des cartes. C'est un peu comme quand tu joues au casino, puis à un moment donné, soit que tu perds tout ou tu continues de monter, puis c'est la même chose dans le domaine de la crypto. Quand il y a une montée parabolique, bon, ben à ce moment-là, soit que tu restes investi ou tu décaisses. Mais le plus haut sommet, tu peux jamais vraiment le savoir, c'est quand que tu vas l'atteindre. Donc, quelqu'un de crypto-monnaie, la crypto-monnaie augmente de 20% de la valeur. Est-ce que je continue à être là ou pas? La personne peut dire, je continue, ça augmente de 40%, 50. Il y en a qui vont faire une augmentation 10 fois de la valeur à travers le temps, 5 fois, tout dépendant lesquels. Mais la question se posait, est-ce que je reste ou je m'en vais? Monopoly Chain, c'est la même chose. Soit que la personne continue de retourner des cartes. Donc, la façon que c'est fait, qu'on brasse un nombre de dés qui détermine le nombre de cartes au maximum qu'on a le droit de retourner. Donc, je brasse le dé, j'ai 5. Là, je commence, je retourne une carte, je peux avoir une carte à 1 million. Là, est-ce que je continue ou j'arrête? Si je continue puis je tombe sur une carte faillite, la carte d'1 million, je la perds. Mais si j'ai une carte, je continue puis j'ai une carte, par exemple, de 2 millions, bien là, ça fait 2 cartes de plus que j'ai, donc je m'enrichis. C'est un petit peu la même mentalité de calculer le risque dans le domaine de la crypto. Est-ce que je reste investi puis ça augmente de 10%? Puis là, je continue peut-être 20% si je reste encore investi dans les prochains jours ou je sors du marché carrément puis je vends tout puis j'arrête. C'est un peu le type de même enjeu quand je joue au Monopoly Chain. Ça m'a fait penser à ça en jouant à ça. Mais c'est plus, dans le fond, Monopoly Chain, c'est un peu comme quand on va au casino. Là, c'est plus risqué à la différence de l'essence du jeu du Monopoly. Mais comprendre juste le Monopoly de base, c'est une très bonne chose, à mon avis. Éventuellement, quand ma fille va être plus vieille, je vais lui faire jouer au jeu pour lui dire, ben, tous les rouages de la finance sont là, sont dans ce jeu-là. Donc, si tu comprends comment que ça marche, que plus que tu as des actifs, dans le cas du Monopoly, c'est des terrains, mais si on convertit ça dans l'investissement boursier des fonds négociés en bourse de différents types, plus que tu as de chances de t'enrichir, ben toute la base pour être riche est là. Donc, c'est une forme d'entraînement psychique là, à s'enrichir, à mon avis, de jouer au Monopoly. Mais bref, je pourrais parler pendant des heures sur la volonté de s'enrichir, mais ce qui fait la différence, c'est que la personne qui fait des actions concrètes dans ce sens-là dans sa vie, comme par exemple, ne serait-ce que d'ouvrir un compte de courtage en ligne autonome puis commencer à faire des investissements. Faire un transfert d'argent à un compte, ça peut prendre plusieurs jours, mais il faut être capable de passer outre cela. Il faut avoir de la volonté, de la persévérance. Ouais. C'est ce que j'ai à dire essentiellement. Puis la personne qui veut vraiment, est-ce qu'elle va tout le temps s'en sortir ou y arriver? J'aimerais ça que ça soit le cas, mais des fois, il peut y avoir des facteurs adverses, des conjonctures défavorables qui vont mettre la personne en échec, qui sont en dehors de son contrôle. Il faut quand même le reconnaître que la personne ne contrôle pas tout, parce que dans la mentalité américaine, c'est si tu veux, tu peux. Ce qui fait que les riches peuvent dire, ben, si la personne est pauvre, elle a juste arrêté d'être pauvre, puis faire un emploi qui va la rendre riche. Tu sais, quelqu'un peut. Mais c'est pas tout à fait ça dans la vraie vie. Puis il y a des concours de circonstances qui nous échappent, comme moi, j'avais ouvert un compte sur Virgo.cx. J'avais vérifié la validité du compte sur le site de l'Autorité des marchés financiers. Puis finalement, ben, le compte a décidé d'arrêter d'entreposer des actifs de type crypto, puis de tout vendre. Puis ils ont tout vendu, mais ils ne m'ont pas demandé l'autorisation, puis ils ont vendu naturellement à un moment où le marché était baissier. Fait que est-ce que c'est ma gestion qui a été défaillante qui m'a fait que j'ai perdu de l'argent, à peu près la moitié de l'argent que j'ai investi? La réponse est non dans ce cas-là. Fait que moi, cette contre-performance-là, dans la performance que j'ai eue de 27,62, je ne la calcule pas. Celle de 27,62, c'est-à-dire que mon compte Dysnat que je gère de A à Z depuis le début, d'à peu près un an. Fait que c'est pas pareil. Donc, des nuances aussi là, à apporter là, par rapport à tout ça. Parce que, ma perspective, les gens ne sont pas totalement responsables de ce qui leur arrive, mais ils peuvent avoir une certaine part de responsabilité à un certain niveau. Puis là, c'est tout le temps de voir la question du dosage pour apporter des nuances dans l'évaluation. Avant de terminer, j'ai décidé d'aborder la volonté de s'appauvrir, qui est le contraire de la volonté de s'enrichir naturellement, qui est l'objet à la base d'enregistrement. En fait, je voulais mentionner que il y a toujours des polarités contraires aux différentes choses. Et puis, moi, j'ai un cousin qui a la volonté de s'appauvrir dans le sens qu'il a fait vœux de pauvreté, chasteté, d'obéissance. Il est devenu moine bouddhiste. Puis les gens dans le domaine de la religion, qui étaient moines dans la religion catholique aussi, ça va dans le même sens. Et puis, par rapport à la volonté de s'appauvrir, ben, peu importe les types de volonté, il y a toujours des avantages et des inconvénients à tout. Donc, quelqu'un qui a la volonté de s'appauvrir, il est détaché de la forme. C'est-à-dire que la personne qui va perdre de l'argent, ben, elle va moins souffrir que l'autre qui est attaché à l'argent, naturellement. Donc, il y a toujours un pendant contraire dans le sens que si lui a un problème de santé et il n'a pas l'argent, c'est un problème important, ben il va pas mal, puis il n'a pas accès à des soins décents dans le réseau public, il va souffrir en maudit. T'sais, c'est bien beau l'histoire de faire vœu de pauvreté quand que la personne a 20 ans, 30 ans ou 40 ans puis est dans fleur de l'âge, mais quand que la personne avance en âge, peut-être que mon cousin, quand il va passer à la quarantaine, va trouver ça moins drôle, son affaire de moine bouddhiste, de vie de pauvreté. Surtout qu'à un moment donné, il a été dans un pays. Autrefois, ça s'appelait la Birmanie. Mais aujourd'hui, ça s'appelle le Myanmar. Ça a changé de nom. Pays qui a connu une guerre civile. Bon, ben, quelqu'un qui fait vie de pauvreté et qui n'a pas l'argent pour s'acheter le billet d'avion pour revenir au Canada, c'est une crise de problème. Donc, il y a des limites à tout. Naturellement, il pourrait regarder la situation que j'ai vécue en lien avec la plateforme de Virgo CX, où j'étais tellement attaché aux cryptos que j'ai trouvé ça très difficile que par rapport à la plateforme dans laquelle j'avais investi des cryptos, ça a été vendu là, sans mon consentement parce qu'ils ont décidé de fermer la plateforme. Moi, j'étais très attaché à la forme qu'est les crypto-monnaies et la possibilité qu'il y ait des gains importants. Parce que dans le passé, il y a des petites crypto-monnaies qui ont fait des augmentations de x2, x5, même x10 de leur valeur. Donc, la possibilité de faire de l'argent rapidement. Donc, quelqu'un qui est détaché de la forme, puis il perd de l'argent, il n'en souffre pas trop. Mais encore là, il y a toujours des... c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder l'autre côté de la médaille. Puis les limites de tout. Parce que quelqu'un peut dire, ben oui, je suis détaché de la forme. Ouais, mais si la personne a un problème de santé qui amène d'avoir des douleurs chroniques, je ne sais pas à quel point la personne souffrira pas. Bref, c'était pour aborder ce sujet-là. Naturellement, quelqu'un qui vit juste pour l'argent puis est obsédé par ça, c'est malsain. Mais quelqu'un qui veut rien savoir de l'argent, puis à quelque part, il va en souffrir parce qu'il n'y aura pas la marge de manœuvre pour se payer des soins de santé décents ou certaines ressources qui lui permettent de fonctionner sur le plan physique. C'est une autre problématique aussi. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Tantôt, j'ai fait allusion à des placements dans le cadre de l'enregistrement. Là, je voulais comme mettre au clair que, bon, l'enregistrement ne vise pas à donner des conseils de placement. Je ne suis pas conseiller en placement, puis investir comporte des risques. Je le répète tout le temps parce que c'est quelque chose où c'est très délicat d'aborder ce genre de sujet-là. Puis l'information est souvent mal interprétée. Moi, ce que je dis aux gens aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a question de titres financiers ou d'indices boursiers, faites vos propres vérifications. Croyez jamais ce que disent les gens. Et pour moi, je suis un des spécialistes de mon environnement dans le compte vérification, ou demander aux gens de faire l'avocat du diable, que ce soit par rapport à ma compagne ou des gens de mon environnement. Des fois, je fais exprès de leur parler de crypto-monnaie, puis je dis, telle affaire, tu trouves-tu que ça a de l'allure ou pas, d'un point de vue extérieur? Parce que quand on s'intéresse à quelque chose, puis on est passionné, des fois, on peut s'aveugler. Ça fait partie des risques. Puis ça, c'est par rapport à tout, que ce soit dans la volonté d'être riche, dans la volonté d'être pauvre, dans les deux polarités, il y a des risques d'aveuglement volontaire de la personne ou de ne pas voir certaines choses, faire du délit, des mécanismes psychologiques. Qui peuvent être présents, là, naturellement. Bon, là, c'est vrai, je vais compléter l'enregistrement. Écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.